Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Charlène Grange. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette cinquième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, une coopérative bancaire éthique qui existe depuis 35 ans. Concrètement, ça veut dire qu'elle collecte de l'épargne auprès des particuliers et grâce à cette collecte, elle va financer des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est carrément la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses 47 000 sociétaires et qu'elle favorise leur implication. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, qu'elle est le seul établissement bancaire à publier l'intégralité des prêts qu'elle réalise et qu'elle ne finance que des projets engagés. C'est vraiment la banque des 2030 glorieuses et c'est elle qui me permet d'interviewer des gens aussi inspirants que toi, Charlène. Aujourd'hui, on est dans ta boutique à Chamazonia à Lyon. On va en reparler. Toi, Charlène, tu es naturopathe et herbaliste et donc tu as ouvert cette boutique pour pouvoir porter cette passion et en faire ton métier. Ensemble, on va bien sûr parler des bienfaits thérapeutiques des plantes pour accompagner, prévenir, soigner. Plus globalement, moi j'aimerais qu'on prenne de la hauteur et qu'on discute ensemble de comment retomber amoureux du vivant. Rien que ça, pour mieux en prendre soin. Je commence cet échange, Charlène, par te poser la question un peu signature du podcast, à savoir, tu rencontres dans un événement auquel tu participes ponctuellement, un inconnu, une inconnue qui vient vers toi, arrive très vite la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi quand on te pose cette question? Alors, je suis effectivement naturopathe et herbaliste, donc ça fait 6 ans maintenant. Donc ce que je fais, c'est vraiment en fait conseiller les gens sur leurs problématiques de santé avec des plantes. Donc ma spécialité, c'est vraiment les tisanes, ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. La personne arrive avec sa problématique, donc moi j'adapte le conseil, donc par rapport à sa problématique, donc si elle a des problèmes de santé, si elle a des traitements, si elle a... Moi la question que j'avais, Charlène, pour toi, c'est comment on devient herbaliste? C'était ton rêve de petite fille? Est-ce que tu t'étais dit bah oui, toute ma vie je vais travailler au milieu des plantes, et t'avais dans cet imaginaire la femme qui prépare ses décoctions dans sa maison, ou est-ce qu'en fait ça t'est venu sur le tard? Alors comment ça m'est venu, c'est vraiment, vraiment je pense que déjà effectivement toute petite j'ai eu la chance de grandir dans un jardin et donc du coup mes jeux c'était faire des potions magiques avec les plantes, ça c'était vraiment, j'adorais, et aujourd'hui c'est vrai que quand je conseille des tisanes ou que je les prépare, je sais que je reconnecte un petit peu avec cette joie enfantine, quoi, de quelque chose qui me fait vibrer. Mais il y a 10 ans, si tu m'avais demandé si j'allais travailler dans les plantes médicinales ou que j'allais même ouvrir une herboristerie, c'était... Enfin, j'y aurais pas cru, quoi, clairement. Tu t'étais laissé happer par le grand monde, comme tout le monde. Est-ce que c'est quoi, de la pression familiale, l'envie d'appartenir, le hasard des études, je sais pas? Eh ben... il faut savoir qu'après le bac, moi, j'ai fait 3 ans d'anthropologie. Donc ça, c'était vraiment des études passion aussi, parce que c'est vraiment... Il y a vraiment la question de l'inné et de l'acquis, donc, qui m'a toujours interrogée, de se dire comment ça se fait qu'une culture... on est tellement différents entre cultures, et c'était de comprendre de ces différences-là sans les juger, sans... j'ai appris beaucoup sur l'être humain, en fait, en général... ses rites, comment il gère la mort, comment il gère la vie, l'amour, les mariages, qui est vraiment totalement différent. Oui, tu dis ça en plus, et moi je me permets de donner un peu de contexte aux personnes qui nous écoutent, parce que là on est dans ta boutique, et donc quand je lève le regard, on a l'impression un peu d'être dans une boutique de chaman, hein, tu vois, il y a tout un tas d'objets, il y a une atmosphère qui, on peut voir liée à cet univers, que ce soit dans les livres, dans les films, je sais pas, et donc tout de suite là, avec tes études, avec ce que tu nous racontes, on voit un peu ce fil conducteur se dessiner finalement. Je pense qu'il y a aussi effectivement dans cette boutique l'idée d'essayer de voir la santé un petit peu autrement, de se dire bah en fait on est dans une culture où il y a un petit peu la culture du médecin tout puissant, un petit peu où sa parole est sacrée, où en fait on doit appliquer ce qu'il nous conseille sans vraiment réfléchir, et avec cette boutique moi c'était vraiment l'idée de se dire mais non, on va remettre en question tout ça, on va essayer de comprendre comment fonctionne notre corps, comment fonctionnent les plantes autour de nous qui peuvent nous guérir, comment en fait on peut reprendre un peu aussi le pouvoir sur sa compréhension de qui on est, de comment on fonctionne. J'ai l'impression que c'est presque remettre un peu l'humain au cœur de sa santé, de manière un peu proactive, mais ça on en reparlera. Tu faisais un lien intéressant, tu parlais de la santé, tu nous as parlé d'anthropologie. Moi j'aimerais bien comprendre le lien qui s'est fait ensuite pour que tu travailles au laboratoire Boiron, qui sont des laboratoires réputés justement sur la thématique de la santé, et puis du coup ça fasse encore le lien ensuite avec Chamazonia. Oui, c'est vrai que finalement tout est un peu lié et connecté quand on prend du recul, c'est ça qui est étonnant. Mais donc effectivement, j'ai fait ces 3 ans d'anthropologie et il se trouvait que c'était vraiment, enfin j'ai adoré ça, mais il n'y avait pas vraiment de perspective d'emploi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bon, faut que tu trouves quelque chose où tu puisses vivre, gagner ta vie. Et donc du coup, j'ai choisi des études de communication. Donc la communication c'est large et je me suis dit je vais forcément trouver en fait quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer aussi, et ça me semblait le choix le plus rationnel. Et donc du coup en fait j'ai été prise en stage de fin d'études chez Boiron et c'était au service communication interne. Donc ça c'est vraiment c'était vraiment génial parce qu'en fait on remet justement encore l'humain au centre de la communication. Donc c'était valoriser les salariés, organiser des rencontres entre la production et la direction. Après il y avait évidemment promouvoir les nouveaux produits, etc. Mais il y avait vraiment ce côté, c'est la communication pour les humains dans cette entreprise-là. Et du coup mon mémoire en fait c'était sur la culture d'entreprise de Boiron. Donc j'ai réussi un peu à connecter ces années d'anthropologie avec mon futur métier qui allait être d'être à la communication chez Boiron. Et c'est intéressant aussi de voir que même dans une entreprise, on a ses propres rites, on a ses propres codes, ses propres usages et puis de faire avec. Et à la fois, c'était pas suffisant. Et tu t'es dit, non, il y a quelque chose que je suis en train de perdre. Tu parlais de cette petite fille qui faisait ses potions magiques dans le jardin de ses parents. Et j'ai l'impression que tu as réussi à l'écouter. Donc j'ai 2 questions pour toi. Comment on en vient à s'autoriser? Ouais, c'est ça ma question. Comment on en vient à s'autoriser à s'écouter? Parce que le confort et puis les amis qu'on se fait sur son lieu de travail, le sentiment d'avoir une réussite professionnelle et donc aussi sociale qui va avec, ça peut aussi mettre un peu des coussins sur nos rêves, comme je sais pas comment le dire autrement, tu vois. Comment on s'autorise à s'écouter, et deuxièmement, comment on ose ensuite, parce que derrière il y a toute une démarche de reprendre des études, et j'aimerais bien que tu m'expliques comment on devient naturopathe et herbaliste, et puis ensuite comment on ose, mais là ça sera encore après, mais je te prépare déjà à devenir en plus entrepreneuse, parce que là vraiment t'as osé à 3 niveaux. Donc première question, comment on ose s'écouter, on ose se dire, mais malgré tout ce qui a l'air bien là, dans ce que j'ai, c'est pas suffisant et j'ai le droit de me dire que c'est pas suffisant. T'as raison, effectivement, en plus c'était très facile chez Boiron, je m'entendais très bien avec mes collègues, le projet d'entreprise était génial, parce qu'au final c'est quand même l'homéopathie, donc c'est la santé un petit peu autrement aussi. Donc c'était facile, j'avais effectivement un salaire qui tombait tous les mois, des congés, et puis une équipe géniale, un projet top. Donc tu te dis, pourquoi tu pars? Je suis restée 10 ans quand même. Je suis partie, je pense, parce que c'était un peu d'ennui au bout d'un moment. Il faut savoir la routine, ouais, je pense que c'est ça. Le fait aussi que... peut-être que au départ, j'étais au service com interne, ensuite je suis allée au marketing, ensuite à la com externe. Et j'ai l'impression que malgré le projet d'entreprise qui était très chouette, je m'éloignais aussi de ce qui m'avait vraiment passionné au départ chez Boiron, c'était l'humain. Donc c'était vraiment Alors ok, on fait des études consommateurs, on questionne les gens quand même sur leurs problématiques, mais c'est finalement, moi, j'étais pas en contact direct avec le client final, donc il manquait plein d'intermédiaires. Et du coup, bah, c'est vraiment au bout de 10 ans et peut-être un an que je me disais, mais non, là, il y a quelque chose qui va pas, je vibre moins. Et je me suis dit, bah, allez, tu prends une année sabbatique, tu fais le point un peu sur ta vie, tu mets un peu en pause tout ça, parce que bah, voilà, je ressentais le besoin. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pendant cette année ? Alors, à la base, je m'étais dit que j'allais partir un an, faire le tour du monde, voyager. Et puis en fait, je me suis dit que ce n'était pas durable dans le temps parce que j'allais revenir et que finalement, ma problématique... C'était une parenthèse, en fait, qui allait se refermer. C'est ça, exactement. Et du coup, ça ne transformait pas assez ma vie, finalement, ce projet de voyage. Donc, je me suis dit, bon, allez, tu changes carrément de métier. Au final, tu changes quoi, de vie, quoi. Enfin... Et donc, bah, la naturopathie est venue assez naturellement. Et alors, moi, j'ai une petite anecdote, on va dire, par rapport à ça aussi, c'est que on m'a découvert un papillomavirus. Et le médecin, face à ce diagnostic, il m'a dit, bah, il y a rien à faire, juste arrêter de fumer et bon, bah, ne faites rien. Et moi, sa réponse m'a un peu mise en colère, en me disant, mais bien sûr qu'il y a, enfin, j'imagine d'autres choses, des possibilités, enfin. Et donc là, j'ai commencé un peu à me renseigner par moi-même. J'ai découvert un champignon médicinal qui fonctionnait très bien. Et puis, bah, je me suis un peu auto-médicamentée, comme on dit. Et bon, ça a fonctionné. Donc je me suis dit, bon, vraiment, en fait, il y a plein de choses à... En dehors de la médecine traditionnelle, quoi. C'est ça que tu entends. Exactement, c'est ça, ouais. Vraiment, et je me suis... C'est ça qui m'a, je pense, amené, entre autres. Hein. Mais c'était un petit quand même déclic pour me dire... Bah, si moi je pouvais apporter ça, cette remise en question des gens sur le fait qu'il existe d'autres manières de se soigner, bah voilà. Donc du coup, j'ai fait un an effectivement de naturopathie. D'études, hein, tu veux dire ? D'études, ouais. Comment ça se passe ? Qui peut y rentrer ? J'aimerais bien comprendre ça. J'ai déjà un peu les réponses parce que ma belle-mère, sur le tard, s'est formée aussi à la naturopathie. Mais pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Mais en fait, je ne savais pas qu'on pouvait s'y former. Comment on fait ? Comment on s'inscrit ? Combien ça coûte ? Combien de temps ça dure ?» Moi, j'aimerais bien avoir un peu ces questions logistiques aussi, tu vois. Et bah alors, il n'y a pas de prérequis au niveau scientifique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément... on n'est pas obligé d'être médecin ou... En fait, tout le monde peut être naturopathe. Après, effectivement, ça demande quand même bah, beaucoup d'implication parce que du coup, il faut tout réapprendre. On va apprendre comment le corps humain fonctionne. Il y a de la chimie. Il hein. y a un peu de chimie, il y a de la physiopatho, il y a de la... Enfin, c'est assez costaud quand même. Pendant un an, on retourne sur les bancs de l'école tous les jours. C'est quand même aussi... intense, quoi. Enfin, ouais. C'est énergivore, ouais. Mais après, c'est passionnant, quoi. Vraiment, en fait, on remet tout en question. C'est exactement ce que je voulais, en fait. Finalement, c'était cette remise en question globale sur tout. Et là, bah, quand on fait, je pense, une année d'études de naturo, on remet tout à plat, quoi. Vraiment. On en ressort avec une formation, avec un diplôme certifiant. Il y a quelque chose qui est validé, j'imagine, pas du tout par l'ordre des médecins, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a peut-être une autre sphère de validation ou de certification qui existe ? C'est un certificat, du coup, c'est pas un diplôme. Donc effectivement non reconnu, mais bon, ça, ils travaillent dessus depuis des années. Je sais qu'il y a des personnes qui sont mobilisées pour la reconnaissance de la naturopathie, mais pour l'instant non, pas encore. Donc ça, tu l'as fait dans la vraie vie, tu l'as fait dans la région lyonnaise ? Oui, à Lyon effectivement. Ouais, ouais. Ouais, et j'imagine qu'on peut trouver ce genre de formation un peu partout en France. Maintenant oui, ça s'est bien développé quand même, ouais. Bah, quasiment dans, je dirais pas toutes les villes, mais oui. Quasiment, ouais, je pense aussi. Et toi, tu dis que tu es naturopathe, mais on l'a dit en introduction, tu es naturopathe et herbaliste. Et donc ça, comment on devient herbaliste aussi, avec cette relation aux plantes ? On va parler de Chamazonia, on va parler de ton jardin, où tu cultives beaucoup de tes plantes médicinales, comestibles. Est-ce que tu peux me dire aussi si ça a été fait en complément, si ça s'est fait après ? Alors, en fait, après ma formation de naturo, j'étais embauchée dans une herboristerie. C'est une herboristerie qui est sur la place Saint-Jean à Lyon, qui est magnifique. Je pense que c'est l'une des plus vieilles de France, donc avec vraiment les vieux tiroirs en bois... c'était magique, moi. J'étais ravie d'aller travailler là. J'y allais deux fois par semaine. Pour les non-lyonnais, la place Saint-Jean, c'est la place touristique de Lyon, dans le vieux Lyon, en face de la cathédrale. Il faut imaginer vraiment la France comme on l'imaginait peut-être 200 ans en arrière, hein, c'est ça, hein. Exactement. On voyage, quoi. Vraiment, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, en fait, c'est là où j'ai commencé à conseiller des tisanes. Et en fait, les gens revenaient, ils étaient contents, ça marchait, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me fait vibrer, c'est vraiment les plantes médicinales. Parce que la naturopathie, c'est assez large, c'est vraiment une hygiène de vie globale qui englobe l'alimentation, la relaxation. Et moi, en fait, c'était ça. C'était les plantes médicinales, c'est ça que je devais creuser, quoi, vraiment. Et donc, parce que je sentais aussi un peu des lacunes par rapport à ça. Et donc, du coup, je me suis formée auprès de l'École lyonnaise des plantes médicinales, donc en 3 ans. Et là, pareil, ça a été un chemin magique, quoi, parce que là, j'ai appris plein de nouvelles langues, la botanique, la chimie verte. Donc, moi qui n'étais pas très scientifique à la base, au final, je suis rentrée avec les plantes, je me suis intéressée à la chimie, quoi. C'est quand même dingue pour moi, mais... On le dit en passant, tu commences l'entretien en me disant « Bon, écoute, je suis un peu stressée parce que, je sais pas, le visage un peu fermé. » Et là, plus tu parles de ces sujets, plus tu es en train de t'illuminer et on sent à quel point c'est quelque chose qui te passionne, c'est dans ta vibration la plus profonde. C'est presque une révélation, une nouvelle naissance. Comment tu le qualifierais et comment tu vis maintenant sur cette nouvelle dynamique? C'est comme tu dis, ça a été un peu une révélation, une découverte, et de me dire c'est vraiment cette sensation de vibrer pour quelque chose et de dire ça en fait c'est pour moi. Enfin, que effectivement j'avais pas vraiment eu avant, même si ça me plaisait et que c'était chouette, il me manquait vraiment ce côté... c'est vraiment cette phrase, c'est ça pour moi. Ça, c'est fait pour moi, en fait. Et donc, effectivement, c'est vrai. Je ressens que quand j'en parle, je suis déjà plus animée. Et toi, tu le ressens et donc tu t'es dit, ça, c'est pour toi. Mais en fait, c'est pas suffisant. Quand on se dit, oui, c'est le bon endroit pour moi et que le monde entier... environnant ne nous renvoie pas ça, on peut s'épuiser, on peut s'isoler, on en devient presque un peu fou. Alors que là, en l'occurrence, tu le disais, dans la première boutique, Place Saint-Jean, les gens revenaient en disant « mais ça marche, et j'ai envie d'aller plus loin ». Et à tel point que tu t'es dit « bon, en fait, j'ai envie d'avoir cette interaction, j'ai envie que ça soit pas que moi avec moi, mais que ça soit aussi avec les autres ». Et donc, c'est ça qui t'a donné envie de créer cette boutique chez Amazonia ? Ouais, c'est vraiment... Après, j'ai travaillé dans plusieurs autres herboristeries, après il y a le Covid qui est passé par là, j'ai perdu pas mal de contrats aussi et il y avait moins de touristes aussi à Saint-Jean, enfin bref. Grande pause, ouais. Donc au final je me suis dit ok, en fait c'est pourquoi moi je montrais pas ma propre herboristerie finalement, pourquoi pas. Ouais. Et donc tu t'es lancé en poussant le bouchon, j'allais dire, jusqu'au bout, parce qu'on pourrait se dire très bien, je vais être bien sourcé. J'imagine que tes précédentes expériences t'avaient mis en lien avec des fournisseurs sans doute de qualité avec lesquels t'étais contente de travailler, mais non, t'avais ce grand jardin que t'as décidé d'exploiter. En plus, tu peux nous raconter? Alors ça a commencé petit à petit, hein, parce que chez mes parents, du coup, il y avait un jardin où il y avait des légumes, des fruits, et puis j'ai dit à mon père, est-ce qu'on pourrait tenter quand même quelques plantes médicinales? Ok. Et puis en fait, au final, déjà, elles s'y plaisent bien là-bas. Et donc, on s'est dit, en fait, on va consacrer vraiment un jardin à ça, mais vraiment beaucoup plus grand. Il n'y a pas de fruits et légumes à côté, il n'y a vraiment que les plantes médicinales. Et c'est top, vraiment, de passer du coup là, de la graine qu'on sème, qu'on voit pousser, on la replante et ça... On la récolte, on la fait sécher et je la conseille en boutique. Enfin, pour moi, c'est la boucle, elle est bouclée et c'est chouette aussi. Ce qui me manquait à Saint-Jean aussi, c'est qu'on conseille des plantes qui sont sèches, mais au final, on ne sait pas forcément à quoi elles ressemblent aussi quand elles sont fraîches. Il manquait une étape, quoi. Donc, Et tu dis que la boucle, elle est bouclée. Est-ce que en arrivant ici, toi, tu ressens justement qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de se réaccrocher à cette boucle? J'étais curieux de savoir quels sont tes clients et tes clientes. Est-ce que, comme on l'a parfois un peu en tête dans l'imaginaire collectif, c'est des personnes échevelées qui arrivent parce qu'elles adorent justement aussi les potions et les gris-gris? Est-ce que c'est des personnes qui arrivent avec des traumas, avec des problèmes et qui ont cherché partout et qui sont épuisées de ne pas avoir de réponse? Est-ce que c'est des personnes dont tu sens qu'elles ont une conscience écologique, peuvent arriver comme ça à travers leur alimentation? J'imagine un peu de tout et sans doute des profils que j'ai pas nommés. Il y a vraiment de tout. Alors il y a quand même beaucoup de femmes, mais il y a aussi de plus en plus d'hommes, je trouve. Alors au niveau des âges, il y a beaucoup d'étudiants aussi, je trouve, qui sont très ouverts, peut-être plus ouverts à la nouvelle génération que moi, bon, qui ai bientôt 40 ans. Mais il y a aussi c'est très variable. Enfin, c'est très très variable. Il y a aussi des personnes âgées. Il y a des gens qui sont anti vraiment vaccin, mais médecin classique, et qui ne jurent que par justement la santé naturelle. Et ceux-là, par contre, je les alerte en disant non. La phytothérapie ne peut pas tout faire. Il faut que ce soit en fait qu'on travaille de concert, quoi. On peut pas tout ne peut pas soigner avec que les plantes, quoi. Beaucoup de choses peuvent se soigner avec les plantes, mais pas tout. Donc voilà, il y a pas vraiment un profil type. J'arrive pas à relever un profil type, mais c'est assez. Il y a des curieux et aussi, mais enfin, il y a aussi ceux qui effectivement n'arrivent pas à se soigner autrement et qui c'est la dernière chance. Mais il y a beaucoup, en tout cas, ce que je peux de commun, c'est cette volonté d'échange, de discuter, de prendre le temps. Je pense que ce que je peux déplorer aussi, c'est que les médecins, finalement, une consultation, c'est rapide. On n'a pas le temps peut-être de parler de tout ce qui est émotionnel. On n'a pas le temps d'écrire tous les autres symptômes qu'on a et qui peuvent donner un indice sur la vraie problématique. Voilà, c'est des gens. Alors, c'est pas forcément une question d'âge ou de sexe ou de, on va dire, de stéréotypes, mais c'est vraiment un besoin d'échange plus profond. Mais tu parles des médecins, on aurait pu aussi comparer cet endroit à une pharmacie, par exemple, où là, les gens arrivent, il y a cette queue, la lumière forte, et puis tiens, ton médicament, et puis, ah oui, c'est quoi? Ok, bon, bah prenez ça, essayez, au revoir, merci. Là, effectivement, on est vraiment dans une boutique où on a envie de déambuler. Il y a plein de choses. Effectivement, des tisanes, mais on y voit aussi du miel, on y voit aussi quelques vêtements, quelques bouquins. Tu as vraiment une approche qui est un peu holistique. On peut terminer là-dessus, d'ailleurs, si tu veux bien. C'est un endroit, j'ai l'impression, que tu as essayé de construire, peut-être à ton image, mais en tout cas pour qu'on s'y sente bien. Oui, alors j'ai souvent ce retour que les gens se sentent bien. Des fois, il y a des personnes qui s'assoient et qui sont là. Non, juste, j'ai besoin de me recharger. Bon, bah ok, très bien. Mais ouais, alors je sais pas. Je pense que est-ce que c'est l'énergie des plantes du lieu des personnes qui sont là? Je ne sais pas, mais effectivement, tant mieux. En tout cas, il paraît qu'il y a des bonnes énergies. Je pense que ces bonnes énergies, on les ressent pendant notre échange, Charlène. Et on va partir en 2030 glorieuse où il y aura encore des bonnes énergies qui vont se mélanger aux bonnes énergies. Ça va être un joyeux bordel énergétique, je pense. Mais entre-temps, il y a toujours une petite pause qu'on s'accorde. Et c'est l'interviewé qui nous fait le cadeau d'une lecture qui l'a marquée et qui, selon elle, porte des graines, des valeurs qu'elle aimerait bien voir se déployer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu viens nous lire, toi, alors ? Moi, c'est un ouvrage de Jean-Marie Pelt, qui est un passionné des plantes médicinales. Il a écrit des tas d'ouvrages sur le sujet. Et il y en a un, notamment, qui m'a marqué. Donc, c'est « La solidarité chez les plantes, les animaux et les humains ». Et donc, je vous ai sélectionné des petits passages. C'est pas... je vais essayer de rendre ça cohérent, mais normalement, c'est bon. Trop bien. Donc, je vois qu'effectivement, là, tu ouvres ton livre. Tu as plein de petits endroits qui ont été surlignés. Donc, en fait, tu viens piocher un peu dans les différentes pages. On est d'accord. Super. Eh bien, allez, on t'écoute. L'augmentation régulière des teneurs de l'atmosphère en gaz carbonique depuis les débuts de l'ère industrielle, tenue pour responsable de l'effet de serre, apparaît comme un facteur favorable à la croissance végétale. Un air plus riche en gaz carbonique ne peut que doper cette croissance, puisque ce gaz est la source du carbone contenu dans toute matière végétale produite par photosynthèse. Au vu des expériences rapportées, il apparaît que les plantes ne fonctionnent pas comme des machines qui augmenteraient automatiquement leur production en fonction des teneurs en gaz carbonique mises à leur disposition. Dans la plupart des cas, les variations de croissance constatées ne sont nullement proportionnelles à l'augmentation des teneurs en gaz dans l'air. Les plantes sont donc moins voraces qu'on ne l'imagine. Tout se passe comme si elles réglaient leur production selon leurs besoins internes et non en fonction de la ressource disponible dans le milieu. L'acharnement compétitif exprimé par la loi de la jungle, où chacun écrase l'autre, ne correspond pas à la réalité du monde vivant. Plutôt que de se marcher sur les pieds, de s'arracher des parts de marché, on observe dans la nature d'étonnants phénomènes d'évitement. La plante contourne habilement sa voisine pour ne pas entraver sa croissance. Des expériences menées sur les pourpiers sont à cet égard particulièrement suggestives. Il s'agit de petites plantes capables de couvrir en très peu de temps des sols nus en dirigeant leurs rameaux plus ou moins rampants dans toutes les directions. Le pourpier limite ses capacités de croissance en fonction de la seule présence d'un mime, sans qu'aucun des facteurs qui lui sont nécessaires, gaz carbonique, eau ou sels minéraux, lui fasse défaut. Ces phénomènes se produisent aussi bien chez les plantes des sous-bois que dans la couronne des arbres, où l'on constate aussi de tels évitements. En résulte une occupation la plus rationnelle possible de l'espace disponible, chacun ménageant sa place au soleil, tout en se serrant, en quelque sorte, pour limiter son agressivité ou nuisance envers les autres. Constatant des phénomènes d'évitement identiques chez les arbres, des pins parasols par exemple, Francis Allais a évoqué à ce sujet leur timidité. Ceux-ci répugnent en effet à entremêler leurs ramifications et tentent dans la mesure du possible à s'éloigner au maximum les uns des autres. Il serait absurde de nier l'existence de la concurrence dans le monde vivant, mais celle-ci joue sans doute un rôle beaucoup moins systématique qu'on ne le croyait jusqu'ici. En fait, la loi de la jungle n'est nullement la référence ultime des mécanismes de la vie. La jungle apparaît davantage comme un laboratoire où s'élaborent les formes végétales et animales les plus abondantes et les plus variées, vivant selon des systèmes de coopération et de symbiose, tels que la compétition est beaucoup plus réduite qu'on ne pouvait le penser jusqu'ici. Utiliser, Charlène, tous les mots-clés des 2030 glorieuses, puisqu'effectivement l'humanité, ça y est, on y est, hein, en 2030 glorieuses. Je ne sais pas si tu as senti cette petite secousse, mais on va faire cet exercice de parler dans nos 2030 glorieuses à nous deux, au présent. Pour les personnes qui nous écoutent, elles qui sont restées en 2024, ça va être un peu déstabilisant, donc on va essayer de donner beaucoup de détails, de vraiment réussir à contextualiser, à nuancer, à colorer nos 2030 glorieuses pour qu'elles s'y sentent comme si elles étaient avec nous, là, assises et assis à cette table, les personnes qui nous écoutent. Donc, tu as dit, hein, les 2030 glorieuses, c'est l'humilité pour l'humanité, pour se remettre parmi le vivant et à son image, de reconnaître nos interdépendances, de reconnaître toutes les différences qui nous nourrissent et qui nous permettent de nous renforcer là où on pensait qu'il fallait chacun être dans son silo, en compétition les uns avec les autres. L'individualisme forcément a fait long feu et en 2030 glorieuse, on va tenter de voir à quoi ça ressemble, d'écrire, de raconter à quoi ça ressemble une société beaucoup plus à l'image du vivant. Hein. Et ma première question à chaque fois que je me projette en 2030 glorieuse avec quelqu'un, c'est si toi là, tu t'imagines peut-être dans ta boutique, allons-y, en 2030 glorieuse et que tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu y vois depuis les 2030 glorieuses, ça? Alors, je suis en 2030 glorieuse et j'observe ce qui... En fait, des petits îlots, on va dire, dans le monde qui existait déjà en 2024 et où les personnes vivaient très vieux et en bonne santé, heureux. Et donc, je pense que j'ai pu m'inspirer de ce qui se passait dans ces petits îlots qu'on appelle zone bleue. Et je trouve qu'il y a déjà, il y avait déjà beaucoup dans ce qu'ils faisaient en 2024. Donc ces zones bleues, elles se sont agrandies. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi elles ressemblaient, ces zones bleues à l'époque, et comment elles se sont complètement normalisées en 2030 glorieuse? Et bah, ces zones bleues, il y a vraiment l'idée de lien social qui est très fort, où vraiment tous les personnes âgées ne sont plus isolées. Il y a vraiment un mélange, en fait, tout le monde vit un peu avec tout le monde et il y a cette solidarité aussi. Et il y a plus de personnes qui vivent toutes seules. C'est vraiment un système bien pensé. Il y a aussi tout ce qui est alimentation qui est vraiment du coup où il y a très peu de viande, très peu de, mais beaucoup de fruits, de légumes. Il y a beaucoup de tisane aussi, on peut le dire. Hein. Je sais que ça, c'est, voilà, c'est, je suis pas très objective, mais il y aurait beaucoup, beaucoup de tisane tous les jours. Il y a, décrétons-le, bien sûr, c'est évident. Et puis, il y a ça aussi qui est très important, c'est la question de sens de la vie, que vraiment, les personnes, elles savent pourquoi elles sont sur Terre, elles suivent ce qui les font vibrer, elles sont plus à l'écoute d'elles-mêmes. Et là, je pense que quand on est bien déjà soi-même, après, on peut rayonner auprès des autres et c'est, espérons, contagieux. Donc voilà, il y a vraiment ce côté... et il y a le sport aussi, j'oubliais le sport. Enfin, en tout cas, pas le sport, mais tout ce qui est activité physique douce. Et dans ces activités physiques douces, il y a le jardinage qui pourrait être décrété sport national. Pourquoi pas? ça me va tout à fait. Et puis tu dis ces zones bleues, le lien entre les gens. Et on pense tout de suite forcément au lien de solidarité entre les voisins, à l'intérieur des familles. On imagine forcément l'activité, l'implication des écoles, des associations pour renforcer ces liens. On y pense moins, mais en fait, c'est ce que toi, tu commençais déjà à faire à l'époque, en 2024, si tu te souviens bien, de faire en sorte que ton magasin soit aussi une zone de lien. Parce que, tu le disais, toi, tu prends le temps de discuter avec les gens, tu les accueilles, tu les presses pas à forcément absolument venir acheter et puis ensuite au suivant, mais aussi parce que ta boutique, c'était une zone de rencontre. De temps en temps, tu poussais la table, les chaises, il y avait des ateliers 2030 Glorieuses à l'époque, des ateliers de danse, des ateliers plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu comment les commerces, ils ont réussi à se remettre au service des gens plutôt que de simplement voir les personnes qui rentraient comme des porte-monnaies sur pattes? Je pense que c'est vraiment cette prise de temps, en fait, qui manque peut-être. C'est vraiment le fait de se dire, allez, on ne va pas à la recherche forcément de la rentabilité, mais plutôt de la qualité de l'échange. Et ça, c'est vraiment, on va dire, une posture à avoir. Mais je pense de dire, l'être humain qui rentre dans ma boutique, c'est avant tout un être humain, ce n'est pas un porte-monnaie, c'est... Et donc, tant pis si effectivement d'autres attendent. Mais là, j'ai quelqu'un en face de moi. Il est sacré dans le sens où c'est un échange qu'on a qui est limité dans le temps. Mais faisons en sorte que ce soit de la qualité la plus forte possible. Tu te souviens, devant ta boutique à l'époque, tu avais des files de voitures garées qui prenaient une place folle. Alors aujourd'hui, on a débétonné toutes ces places de parking et toi notamment, tu participes à y faire pousser des plantes comestibles que tu jardines avec les gens du coin, avec les élèves aussi des écoles environnantes. On avait la place Saint-Louis, peut-être que tu t'en rappelles, pas si loin aussi, qui était occupée d'un parking géant qui a été complètement réouverte. On a enlevé le béton, on en a créé des zones de vente pour les artisans et le marché qui vient de temps en temps, c'est vrai. Mais aussi, on peut y lire, on peut y jouer avec nos enfants. La ville, elle s'est complètement apaisée. Tu disais que le jardinage était devenu le sport national. En fait, c'est plus que le jardinage, c'est vraiment le lien au vivant qui est devenu une évidence. On prend du temps pour faire ça au quotidien maintenant. Ouais, exactement. C'est très beau à voir. C'est très beau, ça fait du bien, c'est plus calme. Et puis c'est quelque chose que toi, tu savais faire et qui méritait des connaissances. Comment on transmet ces connaissances? Comment on se forme à ce lien avec le vivant? Là, en 2030 Glorieuses, c'est depuis tout petit. C'est vraiment chez chaque famille qui éduque son enfant. Et c'est vraiment quelque chose... C'est ça aussi, je pense que ça mériterait un cours vraiment particulier à l'école, quoi. C'en est devenu un, d'ailleurs. C'est ça. Décrétons-le, ouais. Encore une fois, bien sûr. Donc on a des cours, comment on les appelle, de botanique, peut-être. De botanique, allez. Ouais, reconnaissance aussi du vivant, quoi, que ce soit les animaux, les plantes. Ouais, je pense, ouais. Et tous les urbains qu'on pensait perdus pour la cause, qui passaient le temps devant des écrans ou ce genre de choses, ou à rouspéter dans leur bagnole justement, et eux, on a réussi à les reprendre par l'expérimentation, encore une fois, à côté de chez eux, un peu sur leur balcon, un peu devant l'immeuble. C'est tout un tas d'expériences, on montrait comment faire tout simplement. Ils ont leur petit, sur leur balcon, tout le monde a un petit calendula, un petit bleuet, une petite camomille, une mélisse, c'est tout le monde... sur le balcon, ça, c'est que des plantes médicinales. Ouais. On parlait de, de chaman tout à l'heure en introduction. Je ne sais pas si tu te souviens, on parlait d'animaux totems il y a quelques années en arrière. Est-ce qu'on en est venu à pousser le bouchon jusqu'au point d'avoir des plantes totems aujourd'hui ? Est-ce qu'une personne peut se dire, bah tiens, voilà, ça c'est ma plante, c'est à ça que je ressemble, c'est telle valeur que j'ai envie de véhiculer ? Et si oui, c'est quoi toi ta plante totem en 2030 glorieuse ? Alors complètement, bah, de toute façon, vu qu'une plante c'est un être vivant, effectivement, elle a complètement le droit d'être totem pour quelqu'un. Je pense qu'effectivement, il y a de l'énergie aussi dans les plantes, donc ça peut complètement être spirituel. Alors la mienne, j'en ai plusieurs, mais peut-être celle que... il faut en choisir une, je dirais l'Achillée millefeuille. C'est vraiment une plante qui pousse partout, mais qui est vraiment hyper puissante au niveau thérapeutique. Et c'est vraiment la plante de la féminité. Je dirais ma plante totem, ça serait l'Achillée millefeuille. Ouais. On continue, puisque là tu ouvres sur le sujet de la féminité, et moi j'avais envie d'ouvrir encore plus haut sur le sujet de la santé globale. Aujourd'hui, on se rend compte que en 2030 glorieuse, prendre soin de soi, c'est pas juste une fois qu'on est malade, aller voir que ce soit un médecin classique ou pousser la porte de Chamazonia. On se rend compte que la santé, c'est tout le temps, partout, c'est dès notre alimentation, notre manière de dormir, de se déplacer. Comment on a réussi à avoir cette prise de conscience, et toi, comment tu participes à cet essor de la santé qu'on pourrait qualifier d'holistique, globale? Je ne sais pas d'ailleurs, toi, comment tu la qualifies? La santé, c'est un équilibre global, donc c'est effectivement, il y a tout ce qui est héréditaire, forcément, il y a de la physiologie, ça, on ne peut pas y couper, mais il y a tout ce qui est épine génétique aussi, donc c'est notre environnement, c'est effectivement l'alimentation, c'est l'équilibre émotionnel, c'est le fait de réussir à se relaxer, avoir des moments où on se retrouve et pas être tendu tout le temps. C'est en fait la santé, mais la santé c'est aussi culturel. Enfin ça c'est pour le coup, ça c'est aussi mes études d'anthropologie qui ont pu me mettre ça un individu malade en Amazonie, en plein cœur de la forêt, ça ne sera pas le même que celui qu'on a ici. Voilà, en tout cas, nous, on est ici, pour moi, la santé, c'est un équilibre global. Vraiment, ça ne peut pas se limiter à un symptôme ou un symptôme qu'on va éteindre. Non, c'est le bien-être global. Tu le disais, ça commence en fait dès la quête de sens, de savoir pourquoi on est là dans ce monde. Si on tait ou on contrevient à notre vibration profonde, alors commencent les problèmes en fait. Donc il y a un accompagnement qui se fait presque en fait de manière à chaque fois très personnelle, très individuelle sur qui on veut être pour le monde. Ouais. Bah ça, clairement, ouais, le fait de savoir s'écouter, cette petite vibration, cette intuition, clairement, ça pourrait être la base de la santé. C'est vrai que c'est... Ouais. Effectivement. Tu parlais de rites aussi dans la première partie de l'interview. Quels sont les rites qu'on a récupérés ou qu'on a décidé de créer en 2030 glorieuse et pourquoi ils sont importants ? Bonne question, les rites. Parce que des fois, on a des rites dont on ne se rend même pas compte. Mais là, ça serait célébrer, et pourquoi pas célébrer effectivement le fait d'enfin avoir un job qui nous plaît, où on est bien. Ça, on ne le fait pas en fait aujourd'hui. Enfin, je veux dire... On le faisait pas. On le faisait pas, mais faisait pas oui, pourquoi c'est vrai, ça, enfin, fêter le fait de enfin avoir trouvé son je suis fait pour ça. Voilà. C'est ça me correspond. C'est ça se pourrait être fêté carrément. On remarque aussi beaucoup plus les saisons, parce que on s'est remis nous aussi au tempo des saisons. Si effectivement la nature elle est vibrante, dynamique au printemps et chatoyante en été, c'est aussi parce qu'à un moment elle redescend et puis elle se repose. Nous aussi, l'être humain, il a réussi à reprendre ce temps-là. Toi, tu le voyais aussi dans ta boutique, cette envie de saisonnalité, de réduire un peu de temps en temps la voilure pour ensuite mieux répartir. Comment tu peux nous en parler? Oui, en effet, on voit effectivement, l'hiver, on est plus dans les racines, toute l'énergie de la plante, elle se met dans les racines. Et nous, l'être humain, on a aussi besoin un peu de ralentir, d'être plus calme, d'être plus dans l'introspection finalement, comme une plante, hein, vraiment, on est à l'intérieur de soi. Et puis effectivement, il y a des saisons où là, en fait, on a besoin de chlorophylle, de soleil, pour pouvoir se reproduire avec le... Bon, alors là, c'est un lien un peu bizarre. Nous, on ne se reproduit pas qu'au printemps, mais Mais en tout cas, oui, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire effectivement les saisons, et de l'intérioriser et d'accepter que effectivement en hiver on puisse être plus calme, plus dans son soi. Tu fais quoi toi, Charlène, en 2030 glorieuse, tu sais? En 2024, j'ai pas mal œuvré pour les plantes. Peut-être qu'en 2030, j'espère œuvrer pour les animaux. Pourquoi pas? Finalement, c'est aussi sacré que les plantes pour moi, donc. Donc allons-y, tirons ce fil-là. Tu œuvres pour les animaux, c'est officiel, parce que en général, on arrive à peu près, quand on est en 2030 glorieuse, à parler au présent de tous les sujets. Alors, il y a des fois politique, géopolitique, il n'y a pas de problème, on y va, on décrète. Par contre, quand on parle de soi, c'est toujours plus compliqué. Donc, si tu devais décréter quelque chose, te faire une projection, presque une promesse à toi-même pour ces 2030 glorieuses, qu'est-ce que tu décréterais au présent? C'est ça, célébrer la vie, mais vraiment la vie... À partir du moment où il y a un être vivant, qu'on puisse le respecter. Et effectivement, ça passe par plus d'industrialisation de la mort des animaux. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment n'existe plus, quoi. On a compris. Tu as créé un refuge pour les animaux d'élevage qui ont été sauvés des abattoirs. Ouais, exactement. C'est bien. Et puis, il n'y a pas que moi, il y a les voisins aussi autour. On a compris que ça allait plus, ça va plus, et on a mis longtemps à comprendre, je trouve. Donc t'as laissé complètement derrière toi, je sais plus exactement la date, 2027, 2028, quand il y a ces émissions de télé qui se sont lancées, tu sais, les sortes de Top Chef pour les herbalistes, là c'est devenu hyper connu, toi tu avais gagné, il me semble, une saison hein, des top herbalistes, on appelait ça, je sais plus. Non mais je dis ça en rigolant, et à la fois, j'imagine que pour arriver à ces 2030 glorieuses, on a dû passer un peu aussi, tu sais, par ces moments voilà, où les grands médias par exemple, ou j'allais dire TikTok qui était en train derrière de décrépir, évidemment, mais voilà, aussi aider à pousser cette tendance de faire soi-même ses tisanes, faire soi-même ses potions, montrer tout ce qu'on pouvait faire pour guérir les gens. Et j'imagine tout à fait les programmes télé qui, comme nous à l'époque, tu sais, on avait tout un tas de programmes de cuisine avec Maïté et consorts, on pouvait le faire. C'était peut-être un peu, non, je sais pas si c'est un compliment de te dire que tu as été pendant un moment la Maïté de la naturopathie. Je prends, je m'imaginais ça, me dérange bien, pas. En tout cas, clôturer le podcast, je suis désolé, je suis parti un peu loin. Pour clôturer le podcast, Charlène, on a toujours la même question. Les personnes qui nous ont écoutées, elles se sont dit, bah oui, moi aussi, je veux cultiver des plantes aromatiques, des plantes médicinales, je veux mettre plus de plantes comestibles dans mon alimentation, je veux avoir ce changement de regard sur ma santé, et toutes les choses qu'on a évoquées qui, en fait, comme tu le disais, existait déjà à l'époque, en 2024, par poche. Si jamais on revenait définitivement, nous, en 2024, dans notre présent, et qu'on avait ce présent éclairé par ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble, dans lesquelles on s'est déplacé quelques minutes, quelle action concrète hein, tu donnerais aux personnes qui nous ont écoutées pour continuer à aller dans le sens des 2030 glorieuses, peut-être encore plus vite, encore plus fort, avec encore plus d'ambition? Y croire, enfin, chaque petit pas compte, je pense. Des fois, c'est si on a envie, si on ressent quelque chose au fond de nous et qu'on a vraiment envie, on sent que c'est là et il faut pas lâcher, quoi. Mais ça peut prendre des années, des fois, c'est pas parfait, mais il y a tellement de choses qui sont possibles. Voilà, moi, il y a quelques années, je pensais pas ouvrir cette boutique et je suis là. Il y a plein de choses que j'ai faites que je pensais impossibles. Mais voilà, je ressentais au fond de moi qu'il fallait le faire. Si vous avez ce petit crépitement là, foncez, enfin franchement. Et une personne comme moi qui, pour l'instant, était assez éloignée, moi, les seules tisanes que je bois, c'est les tisanes que je fais en fait pousser, parce que j'ai de la menthe et du basilic ou ce genre de choses, tu vois, il n'y a pas plus que ça. Là, j'ai fait pousser cette année des plantes comestibles, j'ai envie d'intégrer ça cet été à mes salades et ce genre de choses. Par quoi je peux continuer alors? Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors déjà, ça peut aussi, je me dis, commencer par les reconnaissances, même en ville. En fait, il y en a tellement, participé à des balades, des balades botaniques. Ça existe, c'est vrai, ouais. Ça existe, ouais, et ça, c'est top, parce qu'en fait, on se rend compte que dans chaque interstice, même sur la place Saint-Jean, par exemple, on ne se dirait pas, hein, vous regardez, enfin, on peut regarder, mais il peut y avoir une quinzaine d'espèces végétales entre les pavés, quoi. Donc, en fait, quand on commence à observer autour de soi, il y en a de partout, des plantes, donc commencer à les reconnaître, déjà, et puis après, quand on les reconnaît, en général, on les voit partout. Et ensuite, commencer à les utiliser doucement, donc en tisane, ou ça peut être même effectivement alimentaire, ça peut être même cosmétique. En fait, on peut les utiliser vraiment dans tellement de domaines. Et puis, effectivement, après les avoir reconnus, pourquoi pas les cultiver, en prendre soin, savoir, commencer à savoir dans quelle terre elles préfèrent, le soleil ou pas de soleil. Enfin, voilà, commencer à en faire des alliés. Mais pareil, je pense c'est petit à petit, quoi. Il y a pas de, enfin, ça peut être lire des bouquins parce qu'il en existe quand même pas mal. Regarder des vidéos, c'est très, enfin, finalement, c'est assez accessible aussi toute cette connaissance-là. Et puis échanger avec des gens qui adorent les plantes. En poussant la boutique de Chamazonia, voilà. On a bien compris, bien entendu. Mais là, si jamais tu parles de livres, effectivement, un livre, une vidéo, un conte à suivre qui peuvent permettre aux personnes de continuer à être éveillées à ces sujets, que tu nous recommanderais? Il y en a, je pense à un notamment, c'est Christophe Bernard, Altea Provence, qui était un des profs de l'école des plantes et qui fait une vidéo par plante et vraiment très complète, quoi. Moi, sur les réseaux sociaux, je suis une fille qui s'appelle Ophélie Damblé, qui a créé le compte Ta Mère Nature, et elle fait des vidéos géniales sur les plantes dont tout le monde se fout et qui ont en fait une vraie utilité. C'est vraiment très marrant, hein. Et en plus elle a un humour vraiment extraordinaire, sauf qu'elle apporte en plus de tout ça tout un tas de connaissances qui sont géniales. Donc si jamais aussi vous avez envie, je vous les recommande vivement. C'était passionnant, merci beaucoup Charlène. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à explorer les utopies vivantes, je vous invite à vous rendre sur 2030glorieuse.org pour découvrir la galaxie des 2030 glorieuses. Bien sûr, vous pouvez continuer à écouter ce podcast, mais aussi vous procurer mes livres sur le sujet et surtout vous inscrire à un prochain atelier utopiste collectif pour voyager en 2030 glorieuse à côté de chez vous. Salut !